Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a dos eventos que tendrán lugar el próximo miércoles en Murcia, dentro del espacio SON, y el próximo viernes en Madrid, dentro del espacio Audiópolis en Centro Centro, en Cibeles 1. Estos dos eventos tendrán como protagonistas a Lionel Marchetti y el colectivo Metanquine. Más información en www.son.es y www.audiopoliscentrocentro.wordpress.com. Comenzamos con Preludio, pieza que abre Double Walls, disco publicado por el sello alemán Grob en 2001, compuesto por el dúo electrónico suizo ya disuelto Voice Crack, los cuales comenzaron a principios de los 70 como intérpretes de free jazz. Junto a ellos compusieron el disco los franceses Lionel Marchetti y Jérôme Noetinger, precisamente los protagonistas principales en la parte de audio de los conciertos anteriormente mencionados. Thank you. Vamos a continuar escuchando a Lionel Marchetti, compositor e improvisador francés de música concreta, género musical cuyos fundamentos teóricos y estéticos fueron originados por Pierre Schaeffer en los estudios de la radiodifusión francesa en 1948. La música acusmática está ligada a la aparición de dispositivos que permitieron la descontextualización de un sonido, fijándolo en un soporte con el fin de tratar este sonido de manera separada y manipularlo cortándolo, pegándolo, superponiéndolo y finalmente combinando los sonidos resultantes de estas operaciones de alteración en una estructura compleja y definitiva como una partitura auditiva. Esta revolución de sonidos hizo cambiar significativamente toda la estructura convencional de la música, ya que la forma musical dada al sonido de una puerta abriéndose pasó a tener la misma importancia que la de una melodía tocada al violín. Lionel Marchetti ha estado trabajando principalmente en la música acusmática y electroacústica desde finales de los 80. Uno de los discos más celebrados y premiados de Lionel Marchetti fue Adele y Adrien, Les Libres des Vacances. Más información en el Bandcamp de Lionel Marchetti, lionelmarchetti.bandcamp.com. C'est pas bien intéressant ce que tu dis. Là, il enregistre tout. Là. Si tu le fais écouter à ma maman et à un moment, on entend Adèle qui dit mon doudou, c'est pas intéressant ça. Hein. Mon doudou. Parle. Mais par contre, dis pas ton doudou. Hein, parce que c'est pas intéressant. Non, parce que je voulais mon doudou, c'est pas parce que j'en veux, parce que je veux mon doudou. C'est bien, il faut bien. Je veux dormir. Mon doudou. Mon doudou. Mon doudou. Mon doudou. J'ai raison, hein. Si elle veut que je lui donne une sucette, un malabar ou ça, faut qu'elle me donne quelque chose, autrement ça vaut pas. Hein. Si elle me donne rien, si elle me donne rien, je lui donne rien. C'est quelque chose. C'est pareil à mes copains, s'ils m'échangent une carte, si je leur échange une carte Pokémon, ils m'échangent quelque chose, autrement je leur échange rien. Hein. C'est pas la peine autrement. Oui? Quoi? Je le mets? Non, non, tu le mets sur le lit. Mon doudou. Un quoi? Un sweatshirt, un tricot. Mon doudou. Un sweatshirt ou un tricot, je sais pas, quelque chose de. De couvert à la montagne. Mon doudou. Thank you. Normalement, moi, à chaque fois que je viens, c'est dans ce lit que je dors. Mon dodo. Je sais pas pourquoi mon papy veut que je dorme dans ce lit, mais d'habitude, c'est tout le temps le lit où je dors. Mon dodo. Ah, il m'a pissé dessus. On dirait. Allez, mange. C'est trop bien ce que là, moi j'ai plus la peau. Allez, mange. Ah, il y a une bouche qui me saute les fesses. Alors, je te laisse manger. Attendez, je vais prendre à manger dans la brouette. Ah oui, ça va prendre plein. J'en ai en réserve. Aïe, allez. Tiens, mange. Voilà, vous avez coupé le truc. Tu m'en donnes. Bah, prends-le, il y en a plein. Ah, mais ils arrêtent pas de se faire. Moi, ce que tu donnes à manger, c'est les trois petits goinfres. Depuis tout à l'heure, ils se bourrent là. Ouais, moi aussi, ils se bourrent. Ah, ils mais pas il de se pleut ou quoi? Ils nous jettent de l'eau. Bah oui, quand ils boivent. Avec un peu de vent, ça part. Non. Allez, mange, sinon je te tue. Ah, j'ai mis sur le nez. Je suis là. Je te caresse, regarde. T'as vu? Tiens, caresse le mien, il mange. Pendant le temps que tu le caresses, tu peux le manger. T'as vu, tu le caresses. Ils aiment surtout les tiges, les gros. Bah, moi, ils aiment les moi, trois. Moi, le gros, il aime surtout la tige. Moi, les trois petits, ils aiment la paille, le pain et moi, ils des aiment plantes. La pourriture. Moi, ils aiment les plantes, aiment le pain et la paille. Je crois qu'ils aiment bien. Ils aiment bien qu'on leur donne à manger comme ça, mais ils aiment pas qu'ils mangent comme ça leur truc. Là on peut rien, il y a la barre au pétrole. Voilà. Il a tout fini ma tige. Tu peux m'en donner un peu? Oui. Là c'est pour tout le monde que j'ai. Oh, il y a une fleur qui est commencée à fleurir. Bah, voilà, tout à l'heure. Avec Adrien, on avait trouvé une fleur. Ouais. Et Adrien, il l'a donné à manger. Mais ils ont pas bien aimé. Ils préfèrent les feuilles et les tiges. Mais lui, il a mangé. Ça se passe en bas. C'est là. En fait, ils aiment bien notre paille et pas celle-là, parce que celle-là, quand ils l'ont mis, quand la dame l'a mis pour qu'il dorme, et ben, il commence à la manger. Et comme en France, ils font les besoins et tout, ça pue. Et du coup, ils la mangent pas. Mais nous, quand on leur donne la propre, et ben, ils la mangent. Il y a la preuve. Si je te donne du sang, ils mangent. Non, c'est pas un peu. Moi, regarde, je laisse manger. Ils s'enfilent les feuilles comme des coins. Une guêpe. Hé, vous n'avez pas le droit de manger les guêpes. Il y a quelqu'un qui arrive. Ah. Allez, la pomme. Avec la voiture dans la forêt et on est allé dans un lac et moi, Adèle et Aurélien, on voulait fabriquer un radeau. Il y avait des petits poissons noirs et Tonton en avait pris un avec Adèle et il s'était électrocuté la main. Et avec le radeau, on avait traversé, il y avait une île au milieu, on était allé et ça s'appelait et il y avait du sable et Adèle elle creusait et Aurélia elle avait la tête dans le sable et elle vidait et il y avait, tout d'un coup on trouva le cœur. Il y avait la clé à côté, on l'a pris, on ouvrit le cœur et puis les trésors. Aurélia a pris les trésors, Adèle prit les trésors et moi péta dessus. s'arrête. Il y a la belle. Va là-bas. Ah ouais. Allez, on avance. Bah avant. Bon, on avance. Rendrick, là, on va par là. Allez, redresse-la la barque. Vas-y, continue comme ça. Voilà, ça comme ça, c'est impeccable. On fait tous les deux comme ça et ça va bien. Ouais, mais moi j'aimerais bien aller tout là-bas. Où? Bah, tout là-bas, là-bas, comme ça, on peut faire, au mieux de faire des allers-retours, à chaque fois de faire des trucs, des allers-retours, bah, on peut faire un peu tout. Allez, vas-y. Attends, attends. Oh non, vas-y, tourne, tourne. Là, je suis en train de ramer, c'est trop bien. Je vais ramer un peu. Wouh! On va râler sur le mec. Qui c'est qui va s'atterrir? Allez Adèle, tu le sautes pas? Tu veux ramer avec moi? D'accord, toi, attends, j'ai un bah, en fait, tu as compris ou pas? Ouais. Bah tu regarde, tu soulèves comme ça, hop, hop. Allez, j'essaye mon coup, je vais sauter. Tu fais quoi Adèle? Eh mais on dirait qu'il y a un trou. Non, j'ai plus envie de ramer moi. Bah arrête la rame. Ouais, tu fais ça. Tu sens pas là. C'est froid, c'est tout. Vois comment elle est. Elle est pas froide ou pas si froide que ça. Comment tu l'as fait? Comme ça. Ah oui, elle est aussi froide. Comment elle est? Oh, elle est bonne. Oula, elle est bonne. Adrien, si tu sautes, je te promets que je saute. Pourquoi mon premier? Ah ben tu sautes ou tu rentres dans l'eau comme ça? Tu flottes? Tu flottes avec les pieds. Ça flotte! Il y en a pas de rond. Ça pète, ça pète. Ah mais je peux sauter. Tu veux tirer ou quoi? Oui. Arrête. passe dessous le truc. C'est quoi ce machin? Bruno, tirez! Tu peux nous aller, on a du bois. Bruno, tirez! On est là, Aurélien! Mais je t'avais tout demandé la bouche! Allez, viens, c'est le tour de barque! Non, mais moi je suis allé là! On va remonter le tour! Allez, de quel côté? J'ai trop envie d'aller dans... Non, d'abord l'autre, il est bien. Allez, vas-y! Non, mais ça me rend dans la tête! C'est pas très bien! Il y a le monstre! Moi je refais un tour, c'est bien. Maman. Viens, on fait un tour. Allez, tu fais quoi? Allez, démarre. Allez, je vais faire demi-tour là. Attends, mais elle est molle la Je suis dans l'eau. 11. Il y a la belle. On va là-bas. Ah ouais. Allez, on avance. Bah, bon. On avance. On dirait que là, on va par là. Allez, redresse là, la barque. Vas-y, continue comme ça. Voilà, ça comme ça, c'est impeccable. On fait tous les deux comme ça et ça va bien. Ouais, mais moi, j'aimerais pas aller tout là-bas. Ouais. Bah, tout là-bas, comme ça, on peut faire, au mieux de faire des allers-retours, à chaque fois de faire des trucs, des allers-retours, bah, on peut faire un peu tout. Allez, vas-y. Attends. Oh non, vas-y, tourne. Là, je suis en train de ramer, c'est trop bien. Rame vite, on va tourner. On va râler sur le mec. Qui c'est qui va s'atteler? Allez, Adèle, tu le sautes pas? Tu veux ramer avec moi? D'accord, toi, attends, j'ai un peu. Bah, en fait, tu as compris ou pas? Ouais. Bah, tu regardes, tu soulèves comme ça, hop. Allez, j'essaye mon coup, je vais sauter. Tu fais quoi, Adèle? Eh mais on dirait qu'il y a un trou. Non, j'ai plus envie de ramer, moi. Bah, arrête la rame. Ouais, tu sautes avec elle, hein. C'est froid, tu vois comment elle est. Elle est pas froide, ou pas si froide que ça. Comment tu l'as soufflé? Comme ça? Ah oh, oui, elle est aussi froide. Comment elle est? Oh, elle est bonne. Oula, elle est bonne. Adrien, si tu sautes, je te promets que je saute. Pourquoi mon premier? Ah, mais tu sautes ou tu rentres dans l'eau comme ça? Tu flottes? Tu flottes avec les chenilles. Ça flotte! Il y en a pas de rondelles? Oh, ça pète! Ah, mais je peux sauter jamais! Tu veux ou quoi? Oui. Arrête, tu passes dessous le truc. C'est quoi ce machin? Nous, allez, on a du bois, nous. Je vais nous tirer. On est là, Morelia. Mais je t'avais commandé. Allez, viens, c'est le tour de barque. Non, mais moi, je suis allée, là. D'accord, on fait le tour. Allez, de quel côté? J'ai trop envie d'aller dans. Non, d'abord l'autre, il est bien. Allez, vas-y. Non, mais ça me rentre dans la tête. C'est pas très bien, il est bon. Il y a le monstre. Revenez, 13, 14, quelqu'un qui rentre, tu vois personne. C'est des gouttes d'eau, faut pas être bête dans l'année non plus. Hein. Il y a des mouches. Il va tout écouter. Ah, ça pue les pieds, oh. Bravo. Chut. Ah, c'est toi. Ça pue le caca. Oh, l'odeur, elle sort. Chut. Il se met les pattes dans le nez. C'est toi qui l'as fait. Sauf que la nuit, ma maman, elle m'a dit que la nuit, il pouvait avoir des loups hein, ici, quand on dort tout le monde. Quand il fait vraiment sombre, sombre, sombre, il peut avoir des loups. C'est des chiens de garde. J'ai entendu aou aou. En plus, les loups, c'est gentil. Hein? Ça fait pas de mal. Hein? C'est lui qui a peur de toi. S'il vient là, il a peur de toi. Les loups, ils sont gentils. Hein? Un chien comme le bulldog au-dessus. M'a crié l'autre. Un chien comme le bulldog au-dessus qui est dangereux. Imagine qu'il saute, il m'a sauté. Qu'est-ce qu'on fait? les flottes, il n'y a pas de chance. On n'a pas de chance. Ouais. On déjeunera où? Dans la tente, s'il pleut. On a pris de la confiture de fraises. Ça va? Au début, on avait pris cerise, mais elle a dit qu'il n'y en avait pas, donc on a pris fraises. C'est Adèle qui a pris fraises. Mais non, c'est moi. Ouais, bah Adèle aussi. Non, c'est moi, j'ai fait, j'ai pris ta vie, oui. Moi, j'ai dit non. Bah, tu le mangerais quand même, autrement t'as rien. Bah, pourquoi tu nous l'as pas dit? Bah, j'allais le dire, mais la dame, elle est partie la prendre. Hein, ça. Mais non, non, elle était pas partie du tout, elle est la prendre. Hein, t'as vu tout le temps. Thank you. mais je vais l'attraper. Eh, mais c'est moi qui l'a trouvé, vous arrêtez. Non, après il me la donne, je vais faire un piège à cailloux. Piège à cailloux. Je vais jeter un caillou dessus. Stop, arrête-toi. Un piège à cailloux. Tu l'as eu? Non, mais non. Laisse-la. Je veux la toucher. Laisse-la en liberté. Je veux la toucher. Ah, mais c'est moi qui l'a trouvé, arrêtez maintenant. Mais j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. Et mets-la dans la petite cuisine. Pour cueillir l'air. Je veux la prendre. Donne. Doucement, ce traîne. Après, tu la mets dans la petite piscine. Vas-y, je vais le faire trop fort, moi. Allez, vas-y, vas-y. Dalle, mets-la dans la piscine. Et vite, maintenant, tu la mets... Prends-la dans ta main et tu la mets dans la piscine. Avant qu'elle saute. Elle va sauter. Mais... Mais elle pique. Ah, je la presse, je la donne et tu la mets dans la petite piscine et on te retrouve. Faut pas la mettre dans l'eau là. Enfin, faut pas qu'elle aille dans le grand lac. Celle-là, je la mets pas dans le grand lac parce qu'elle est trop grosse. C'est pas la reine, elle a un truc sur le dos. Quoi? C'est quoi? Eh hey, mais, faut s'en occuper. C'est quoi ça? Rien à dire. Et elle, tu l'oublies avec elle. Ah ben, je vais te... Où elle est? On va voir. Tiens. Elle va dans la piscine. Eh ben, tant bien. Mais la vite. Mais la vite dans la petite piscine. Viens voir, papy. Papy, viens voir. Viens voir. Regarde la grosse sauterelle. Viens voir, elle est énorme. C'est moi qui l'ai trouvé. T'as vu? Ah oui, elle est énorme. Je suis capable d'attraper. C'est un criquet. En cherchant dans les buissons, je l'ai trouvé. C'est un criquet. Tu veux la toucher, Adrien? Je la mets dans ma main. Mais j'ai pas envie. T'es venu là? Pourquoi t'es venu là? Je crois que... L'été me saoule dans les cheveux. On se demandait où t'étais. Parce que nous, on est sortis, on avait entendu. 9. Et je sais pas, c'était quoi. Après, on a regardé. Il y avait les portières ouvertes et il y avait Adèle qui nous regardait. On lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, ben, venez dans la tente. Alors après, on est venu dans la tente et on n'entendait rien. Et là, je suis sortie pour faire pipi. Tordez le petit doigt. I'm not going to be able to do that. Yeah. J'avais peur des animaux. J'avais peur des ours, j'avais peur des gens, j'avais peur des temps, j'avais peur des chevaux. ça tourne. Adèle. Ouais. Adrien. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ou sinon on passe par là. On va aller sur ce rocher. Comment elle a fait pour mourir? Elle s'est cassée la patte, on dirait bien. Comment ça se voit que c'est récent? Je vois qu'elle est dans l'os. Ouais, en montagne, il n'y a pas d'eau. Oh, tu dégages. C'est pour ça que c'est un mouton du troupeau. Bête. Ouais, c'est trop bête. En plus... Etienne, il va aller garder les moutons, hein. C'est bête. Hein. Il va manquer un mouton. C'est un mouton de rocher. C'est un mouton de rocher. Alors, il s'est fait tuer par un chasseur. Comment il est venu jusqu'ici? Peut-être tellement il s'en est reçu et elle était vieille et elle a eu trop mal et il était mort. Ou alors elle s'est carrément pris un rocher sur la tête. Ou peut-être de beaucoup de feuilles parce qu'il y avait... Il y a tellement des guêpes qui rentrent. Des guêpes. Tu veux dire des mouches? Ouais. Là, il y a des guêpes aussi. Et il y a surtout des fourmis parce qu'il y en a une qui est descendue. Je l'ai vue, elle a les dents. Dedans. Bon, on sent bon. On pue pas. Oh. Mais ça pue trop. Oui, avant, il puait pas. Ouais, mais là, ça pue trop. Le pauvre avec... Là, on voit carrément les os. Hein. On voit la patte d'os. Je trouve qu'il y en a un, il va venir prendre l'os. Hein. Imagine, le chien de Roger, il va prendre l'os. Et va le manger. Ouais. Mais non, il va le sucer. Oh, en plus, à mon avis, en plus, il est, quand il est mort, à mon avis, il est en train de faire caca parce que regarde, vers son trou, il y a un petit caca qui sort. Ouais. Il s'arrête quand il est mort. Plus sa chemin. Quand elle était très vieille, elle avait trop mal. Adèle, tu trouves que ça sent bon, toi? Non, mais enfin, moi, je trouve... Bah, pourquoi tu ne bouges pas le nez, Adèle? Bah, je m'empêche de respirer. Je m'empêche, tu vois, je... Il faut se sauver de la peau. Je vais sur ce rocher. Ça pue. Allez, dégagez. Même pas, elle est partie. J'ai dit attends, mais il n'y a pas moyen. Dès que je te dis stop, tu pars. Una de las mejores colaboraciones de Lionel Marchetti fue, según nuestra opinión, Les 120 Jeux, del año 2004, colaboración con Jerónimo Oettinger y Michel Chion, compositor de música experimental y profesor en varias instituciones en Francia. Más información en michelchion.com. Vamos a escuchar a continuación parte de este disco. ¿Quién es tú? Ah! Les 120 jours. Écoutez! Un jour, Dimir, le petit garçon et la petite fille vont au four. To expand beyond traditional arcs, it is necessary to go beyond traditional methods to deal with mainly consist of touting. Les 120 jours. Études de musique concrète. Qui es-tu? Demande une forme d'insecte aux mains de cisaille. Qui es-tu ? C'était toi ? Les 120 jours. C'était toi ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Ça fait toute la nuit tous ces petits engins-là. Et puis nouveau record à Wall. Merci, c'était la circulation en direct du CRIR de Lyon. C'est donc le dernier moteur. Le moteur de réalité, comme le disent les électroniciens. Je rappelle que le terme technique, c'est moteur d'inférence logique. Et pour ceux qui travaillent sur la réalité virtuelle, c'est le moteur de réalité. Le titre est merveilleux d'ailleurs. Moteur de réalité. Écoutez, écoutez. Vous n'avez pas mutuel ? Et d'affection, affecté d'un poids, d'une couleur, d'une source sonore, en vue de provoquer des possibilités de déliaison. C'était toi ? C'était toi ? Bonjour, dit Némir, le petit garçon. Ah ouais, je suis lion, tout à fait. Norbert, t'es pas un peu orgueilleux, non? Dinomir le géant au cirque. Les 120 jours. Études de musique concrète. Otro álbum muy interesante de Lionel Marchetti fue Tren de Noche, publicado en 2002 por el sello Metanquine dentro de las prestigiosas series Cinema por L'Oriel, colección de música concreta dirigida por Jérôme Noetinger desde 1992 a 2002. Escuchemos a continuación este Tren de Noche. et dans le sang. De la critique thématique. On va chercher dans l'œuvre d'un des thèmes récurrents. Des thèmes récurrents, obsessionnels. C'est aussi antérieur au livre de Kristeva. L'armée était en quelque sorte. Wir haben getrunken, Herr. Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Nous avons bu, Seigneur, le sang et l'image qui était dans le sang, Seigneur. Qui passe à travers lui. Es war blut, es war, was du vergossen hast. Es glänzte, es war uns dein Bild in die Augen. Thank you. Petróleo del año 2009 fue otro disco interesante en el que estuvo involucrado el artista autodidacta Lionel Marchetti, asociación con la músico y bailarina japonesa Yoko Higashi, con aportaciones puntuales del reputado saxofonista Axel Dorner y al guitarrista Dominique Repecaut. Thank you. Vamos a cerrar el programa de hoy con Jerome Noetinger, la parte de audio del colectivo Metanquine, unidad de intervención y grupo de composición abierta, incluyendo músicos y cineastas que investigan la relación entre la imagen y el sonido. Desde 1987, conceptos diferentes se han llevado a cabo y se han enseñado en festivales, galerías, cines y espacios de arte contemporáneo. En Francia, Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Desde 1995 se desarrollan colaboraciones con otros grupos o artistas. A través de la magia de los espejos, múltiples proyectores y muy ingeniosa edición en directo, Metanquine produce y dirige una nueva película con cada uno de sus directos. Trabajando en torno a un núcleo narrativo, derraman remolinos de viñetas improvisadas, acompañados por una banda sonora en vivo de fragmentos de cinta y antiguos sonidos de sinte. Estos tres colaboradores, que han trabajado juntos por más de 10 años, han conseguido empujar los límites de la película y la banda sonora en el ámbito de actuación en vivo. El colectivo Metanquine está formado por Christophe Auger, Xavier Querel a las películas y proyectores de 16 milímetros y Jerome Noetinger a los dispositivos electroacústicos. Más información en www.metanquine.com. Os recordamos que tanto Lionel Marchetti como el colectivo Metanquine estarán actuando el próximo miércoles 23 de septiembre en el espacio SON y el 25 de septiembre en Audiópolis, dentro del espacio Centro-Centro, en Cibeles 1. C'est une panoplie faramineuse. Là, vous assistez à la guerre classique, massive, la plus fabuleuse que vous puissiez imaginer, la plus étonnante. major storm forces were engaging targets in Kuwait and Iraq. President Bush will address the nation at 9 o'clock p.m. tonight from the Oval Office. We'll try to get you more as soon as we can. Thank you very much. Operation Desert Storm forces were engaging targets in Kuwait and Iraq. President Bush will address the nation at 9 o'clock p.m. tonight from the Oval Office. I'll try to get you more as soon as we can. Thank you very much. Are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Kuwait, a member of the Arab League and a member of the United Nations, was crushed. Its people brutalized. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been won. Le premier bombardier américain a eu sa première fois visité par l'aviation Fatah et l'extrémisme. Une mission pour qui il sort, il cherche pour Madame Carabinier. Elle commençait à devenir les premiers héros de la guerre. J'ai eu une conversation privée avec son chef de cabinet, Boris Kidder. Bush lui a dit, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, dans tous ces domaines. C'est une occasion, je ne vais certainement pas la laisser passer. Croyez-moi, le boulot sera fait. Bush lui a dit, j'ai travaillé toute ma vie pour ça, dans tous ces domaines. C'est une occasion, je ne vais certainement pas la laisser passer. Croyez-moi, le boulot sera fait. I hate America. La guerre brutale, sophistiquée, sans doute. Pour vous informer de la qualité de réception chez vous. D'abord, le most important news network. La chaîne de télévision la plus importante du monde. L'agression et contre les infidèles. Une coalition de 30 pays qui ont commencé la guerre. Dirigerait les fous à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs canons, et nous pourrions enfin nous promener en paix. Thank you. Ces hommes virils et beaux, gloire à ces soldats forts et courageux, gloire, gloire, gloire à nos héros.